Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, Gérard Lanvin, époustouflant. Petit-fils d'une légende de rugby, fils d'une légende de rugby et lui-même légende de rugby, Joe Cannavaro élève seul son fils de 13 ans, Tom, dans un petit village du Tarn. Au grand dam de Joe, Tom est aussi bon en maths que nul sur un terrain. Pour un Cannavaro, la légende ne peut s'arrêter là, quitte à monter une équipe de rugby pour Tom, contre la volonté de tout un village et de celle de son fils lui-même. Dis hey papa, quand est-ce que je pourrais avoir un téléphone portable comme tous les copains? Jamais. Oh, hey, oh, l'arbitre, investi dans la lunette, hein, oh. Dans la famille, le rugby c'est plus qu'une religion, c'est un devoir familial. On va remonter une équipe de rugby. Et toi Tom, tu vas leur montrer qui t'es et d'où tu viens. Et malheur à celui qui casserait le moule. Dès ce soir, je t'apprends à plaquer, moi. T'as pas bien compris. Ça sera sans moi. Hein? Chef, je crois qu'on a les deux gagnants de la tombola, là. Allez, assez rigolé, vous me sortez les papiers du véhicule. Tombola. Chaque fois que je sors, je bois beaucoup et je les perds. Donc je les prends plus, comme ça, ben, je les perds plus. Alléluia! Je crois qu'on est tombé sur deux petits comiques, là. Tu sais qui c'est, là? Non. Des seigneurs. Dis-moi, la mère du petit, là, t'en as fait quoi, toi? Camille, elle est morte. Abandonné. Si tu veux pas jouer, tu vas pas jouer. Pompon, il va te le régler, le problème. Le fils à Joe, un film de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, un DVD Gaumont Columbia Tristar.